Pourquoi aime-t-on tant parler des œuvres d'art? Il y a un phénomène tout à fait surprenant et qui a intrigué dans l'histoire de la philosophie, mais qui intrigue aussi dans la vie la plus quotidienne. C'est que quand nous allons voir un film, par exemple, eh bien, notre premier geste, ou alors c'est mauvais signe, et chacun a sa manière d'ailleurs de s'y prendre, notre premier geste, c'est d'en parler, de dire, eh ben, alors, ça t'a plu, qu'est-ce que tu en as pensé? Et certains disent, bah, attends, je viens d'en sortir, c'était tellement fort que j'ai besoin d'abord d'aller boire un verre, etc. Qu'est-ce que ce serait qu'un film dont nous ne pourrions pas parler? Et il en est de même pour les livres et pour les œuvres musicales, et parfois même pour la beauté du monde. Nous nous exclamons, nous disons, tu as vu ce paysage, ce coucher de soleil, ou au contraire, cette horreur, cette laideur. Nous avons besoin de parler de ce qui nous plaît. Nous avons besoin de parler de ce qui nous déplaît, des goûts et des couleurs. Et pourtant, il y a là un risque de relativisme que la célèbre formule populaire, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, chacun ses goûts, au fond, permettrait peut-être d'évacuer en disant, ben non, justement, garde ça pour toi, c'est ton goût subjectif, on n'a pas besoin d'en parler. Mais en réalité, il appartient justement à l'œuvre d'art importante, saisissante, de susciter en nous la parole, parce qu'effectivement, elle est très simple, elle vise à susciter une impression, une exclamation, si possible de beauté, de plaisir, de joie, mais dont nous savons bien qu'il y a dedans quelque chose, et d'abord quelqu'un, que c'est une rencontre avec un style, que c'est aussi une place dans une histoire, une place dans une histoire de l'art, et aussi une richesse parfois infinie que nous avons envie de déplier. Dans une scène d'un film de Bergman, une scène parfois terrible, par exemple dans Crise et chuchotement, quand la mourante est prise dans ses bras par la servante alors que ses sœurs se détournent d'elle, nous allons avoir envie de déplier cette scène, de comprendre ce qui se joue non seulement dans une beauté esthétique mais dans un enjeu moral et peut-être aussi politique et humain. Nous avons besoin d'en parler, nous avons besoin d'en discuter, peut-être de ne pas être d'accord, mais la critique, justement, est nécessaire ici aussi parce qu'elle permet de comprendre ce qui se joue dans une impression simple, parce qu'elle déplie, parce qu'elle distingue, parce qu'elle oppose, parce qu'elle nous permet de comprendre tout ce qu'un artiste a mis dans une œuvre, tout ce qui, dans l'impression simple, se cache de travail, de diversité, de complexité. La critique est donc indissociable de l'art lui-même. L'art contemporain a peut-être été trop loin dans ce sens, d'ailleurs, parce que certains de ces théoriciens disent que l'œuvre est plus dans son programme, dans le livret qu'on vous distribue, dans le catalogue, que dans le spectacle lui-même. Il y a un équilibre quand même, malgré tout, entre l'expérience sensible et l'exclamation devant l'œuvre et le discours qui l'accompagne. Mais inversement, que serait l'œuvre sans le discours, sans cet espace intermédiaire, sans cet espace critique qui est aujourd'hui fragilisé paradoxalement dans nos sociétés, qui auparavant étaient essentielles. Il y avait des grands critiques d'art, des grands critiques de littérature, presque aussi connus que les écrivains, et c'était un genre littéraire à part entière. Cela devrait le redevenir. Les salons de Diderot ou de Baudelaire ont contribué à leur œuvre autant qu'à l'histoire de la peinture. Il y a donc un espace critique à préserver parce que dans nos expériences sensibles elles-mêmes se cache le sens de nos vies et parce qu'une exclamation devant une œuvre ou devant une erreur, devant une laideur, nos exclamations cachent un sens. Et donc d'une certaine manière, oui, des goûts et des couleurs, il faut s'exclamer, mais il faut aussi discuter.